Le grand entretien. Annick Chuin. Bienvenue à vous. Cheikh Hamidou Kan est un de ces hommes africains qui a mis toute son énergie et toute son intelligence au service de l'État, de son pays, le Sénégal, et plus largement de l'Afrique. Né en 1928 à Matam, il fut un haut fonctionnaire aux Nations Unies, à l'UNESCO et ministre sous Léopold Sédar Senghor. Une vie politique au sens large bien remplie, mais c'est un livre paru en 1961 qui l'a rendu célèbre bien au-delà de l'Afrique noire et qui fait de lui aujourd'hui encore une légende vivante. Ce livre, roman teinté d'autobiographie, c'est l'aventure ambiguë qui raconte les tribulations du jeune Samba Diallo, double de l'auteur qui, durant les années qui précèdent l'indépendance, se retrouve pris en étau entre une éducation traditionnelle et coranique et un enseignement occidental, celui des colonisateurs français certes, mais aussi celui des grands philosophes comme Descartes. Cheikh Hamidou Kan s'est nourri de ces deux cultures. Il vit toujours à Dakar, mais c'est à Genève, à l'occasion du Salon du Livre, que nous l'avons rencontré. Et en Afrique, tout commence par une histoire, en l'occurrence par un poème. Il y a pour le cathédrale royale, et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien créé, mais pour ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Jubosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre. Silo où se préserve et mûrit tout ce que la terre a de plus terre. Ô vous qui prendrez demain l'oblique chemin des fuites et des trahisons, ne tournez point vers moi vos faces de trépon impale. Ça c'est Aimé Césaire, le cahier d'un retour au pays natal. Le par cœur, ça se pratique en Afrique, évidemment. Tout à fait, surtout pour des textes aussi fondateurs que l'était le cahier d'un retour au pays natal, que j'ai découvert à l'âge de 18 ans, au lycée Van Balonoven à Dakar. Et il a fait notre régal aux jeunes Africains minoritaires qui étaient élèves dans ce lycée, qui était un lycée pour les enfants des colons blancs. Les Noirs y étaient une minorité. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert ce cahier de retour au pays natal. J'ai eu la chance d'en avoir un exemplaire, je ne sais pas comment je l'ai eu. Et c'est lui qui a circulé parmi tous les étudiants africains noirs qui étaient là. Et on l'a appris par cœur. Cher Hamidou Kan, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion de votre passage en Suisse, votre passage à Genève. Il y a un instant, j'ai évoqué votre parcours d'homme politique et aussi d'écrivain. Ce que vous êtes se lit aussi dans votre nom, cher Hamidou Kan. Oui, certainement. Le nom de famille, le nom patronymique, c'est Kan. C'est un nom typiquement Peul. Les deux prénoms sont Cheikh et Hamidou. Le vrai prénom, c'est Hamidou, qui était le prénom de mon grand-père paternel. Et ce grand-père paternel, prénommé Hamidou, était un érudit, un qadi, un juge musulman. À l'âge de 30 ans, il a acquis le titre universitaire de Cheikh. Et donc, quand je suis né, mon grand-père devait avoir une cinquantaine d'années, était déjà connu depuis 20 ans comme Cheikh Hamidou. Donc quand mon père m'a donné son prénom, j'ai hérité du titre de Cheikh, bien que je ne l'avais pas encore acquis par mes mérites universitaires comme lui, il l'avait acquis. Et donc voilà, c'est pourquoi je m'appelle Cheikh Hamidou Kan. Donc en Afrique, tout le monde sait que vous êtes noir, peul et musulman. Tout à fait, c'est ce qu'exprime mon patronyme et mes prénoms. Tous ceux qui connaissent cette région, ce peuple Peul, savent que Kan est un patronyme Peul, comme d'autres patronymes Diallo. Ils savent aussi que Cheikh est le titre universitaire gagné par les musulmans lorsque ils ont acquis un niveau de connaissance et de savoir du droit musulman, de la jurisprudence musulmane. Et donc, c'est bien ce que je suis, originaire de cette ethnie peul, musulmane, bien pétrie d'islam, mais d'un islam qui a abordé nos rivages et la vallée du fleuve Sénégal depuis le XIe siècle, au moment où les Almoravides, la vague la plus occidentale de l'expansion de l'islam, sont venus jusqu'au bord de l'Atlantique et au nord du fleuve Sénégal. Ils se sont installés là. À l'époque, il y avait sur ce fleuve Sénégal le royaume du Tekrour, dirigé par un roi qui à l'époque s'appelait Wardjabi. Les Arabes musulmans ont converti Wardjabi et la famille royale et la noblesse. Et c'est Wardjabi et la famille royale et la noblesse qui, à partir de ce moment-là, ont pris en charge la diffusion de l'islam. Ce ne sont pas les Arabes, mais c'est les Noirs. Et Wardjabi et sa famille et son ethnie ont pris de l'islam les fondamentaux, c'est-à-dire les cinq piliers de l'islam. Et ils ont diffusé cet islam en y inculquant les valeurs de la tradition noire. Consensus, palabre, pas de contraintes. Il se trouve d'ailleurs que cette vertu de la culture noire qu'on retrouve dans tout le monde noir, si vous lisez l'autobiographie de Mandela, il raconte comment pendant son enfance se passaient les palabres dans la maison du roi. Il disait qu'on discutait, c'était le consensus, on n'imposait rien. Il fallait arriver à un consensus grâce à la palabre. Eh bien, c'est ce que les musulmans noirs, depuis Wardjabi, ont adopté comme méthode. Et donc, l'islam, comme Vincent Monteil, qui a préfacé l'aventure ambiguë, qui est le fils d'un explorateur français qui avait bien connu le Soudan, l'Afrique de l'Ouest. Vincent Monteil aussi est pétri, il a étudié l'arabe, il a étudié l'islam, et il a parlé de l'islam noir. Cet islam noir, c'est un islam qui est très orthodoxe, mais en même temps qui est très ouvert, très, très consensuel, tout à fait aux antipodes de toute forme d'intégrisme. Vous dites un islam ouvert, et pourtant, dans l'aventure ambiguë, écrit dans les années 50, publié juste après l'indépendance du Sénégal, votre pays d'origine. Bon, vous êtes Peul, donc vous dépassez les frontières, cher Hamidou Kane. Mais dans ce roman, il y a un personnage qui s'appelle le fou, qui est devenu fou pour de nombreuses raisons. Et on peut imaginer, donc c'est un musulman très, comment dire, dur, on peut imaginer qu'il s'agit là d'un précurseur de l'islam intégriste. C'est ce que vous avez voulu dire? Est-ce que l'islam intégriste est en train de gagner l'Afrique noire aujourd'hui? Vous avez bien raison de dire que le personnage du fou, tel que je l'ai décrit, était une préfiguration du surgissement de l'intégrisme. Bien que ce livre ait été écrit vers les années 50, j'avais le pressentiment que, quelque part, la manière dont les non-occidentaux, et les Africains en particulier, allaient rencontrer les Occidentaux, et notamment les colonisateurs, pouvait susciter un refus, un rejet du colonisateur par le colonisé, qui dirait: si c'est cela sa culture, si c'est cela la voie qu'il nous désigne, il faut refuser ça. Et j'ai imaginé ce personnage du fou en me disant que si quelqu'un originaire du même milieu que Samba Diallo, le héros de la vie ambiguë, c'est-à-dire Peul, musulman, n'a pas eu la possibilité comme Samba Diallo d'aller au-delà des apparences, pour comprendre que la brutalité, la conquête matérielle et brutale n'est pas la seule force du colonisateur qui arrive. Samba Diallo, lui, il a eu la possibilité d'aller au-delà. Et derrière le colon, il a fini par connaître l'humanisme de l'Occident. Il a rencontré les philosophes, les écrivains, les religieux, chrétiens, européens. Et il a surtout appris, lui, Samba Diallo, une des conquêtes fondamentales de l'Occident européen, c'est la liberté de conscience. Il a vu, lui, Samba Diallo, au cours de ses études universitaires, quand il est venu en Europe, il a vu que dans un pays comme la France, où il y a eu des guerres de religion, des guerres de toutes sortes, maintenant, on avait dépassé tout ça, et qu'on a un pays où coexistent des protestants, des catholiques, des libres penseurs, des musulmans, des bouddhistes, tous coexistant dans un même pays. Il a vu. Pas toujours avec facilité. Pas toujours avec facilité. Et il a vu que cela, c'était une valeur importante. Et qui n'est pas en contradiction avec l'islam. D'ailleurs, il est dit littéralement dans le Coran, pas de contrainte en religion. Le fou, je suppose que c'est quelqu'un qui a été. Il n'a pas été à l'école, il a été recruté pour être peut-être tirailleur dans l'armée. Oui, il était donc devenu, par obligation, tirailleur sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Et il a vu le pire en Europe. Et il dit d'ailleurs, des blancs contre des blancs, c'est ça le pire. C'est ça. Et donc, quelqu'un qui a eu cet itinéraire brutal pouvait considérer qu'après tout, la voie que montrent les blancs, l'Européen, ce n'était pas la bonne voie, il fallait s'en détourner. Et c'est ça le personnage du fou. Donc, la tentation de la crispation identitaire, du refus de l'autre, du refus de la tradition de l'autre, du refus de la religion de l'autre, et c'est cela qu'a préfiguré le personnage du fou. Mais aujourd'hui, cette recrudescence, cette montée de l'islamisme en Afrique noire, elle s'exprime contre quoi? Pas seulement contre la pensée et l'homme occidental, contre aussi certains mouvements, certains détours qu'a pris l'Afrique. Dans l'intégrisme islamiste qui se manifeste en Afrique aujourd'hui, je crois distinguer deux variétés. L'une, c'est celle qu'incarne ce qui se produit au Nigeria, Boko Haram. Boko Haram, ça veut dire que l'éducation occidentale, la culture occidentale, elle est impie, c'est haram. Haram, c'est le contraire de halal. Boko Haram, Boko, c'est l'Occident. C'est son école, c'est son savoir, ce sont ses traditions. Et les intégristes de Boko Haram sont des Noirs qui s'opposent radicalement à l'influence de l'école occidentale. On est au 21e siècle et on est en plein dans votre roman qui date de 1960. Tout à fait, oui, comme vous voyez. Et il y a une deuxième variété de l'intégrisme, tel qu'on peut le percevoir en Afrique aujourd'hui, c'est le pendant en Afrique noire de l'intégrisme arabe, tel qu'il se manifeste par Al-Qaïda, etc., tel qu'il est secrété par des écoles de l'islam, qui sont des écoles conservatrices médiévales, qui remontent à l'islam du Moyen-Âge, à l'islam des origines. Et cette forme d'intégrisme musulman, secrétée par les musulmans arabes, commence aussi à percer en Afrique noire, mais elle est encore minoritaire, surtout dans un pays comme le mien, le Sénégal, parce que là, dans ce pays, qui est le siège du royaume du Tekrour, où l'islam a rencontré les Noirs pour la première fois, dans ce pays, cette tradition consistant à concilier l'islam le plus orthodoxe avec la pratique des valeurs culturelles africaines, noires, de la palabre, du consensus, ça, c'est quelque chose que ce pays a continué de développer. Nous avons au Sénégal ce qu'on appelle un islam confrérique. Et les leaders religieux noirs sénégalais ont réussi à concilier le mode éducatif traditionnel par classe d'âge tel qu'il était pratiqué par la société traditionnelle, pour passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge d'adulte, et ensuite au troisième âge et au quatrième âge. Le processus éducatif consistait à transporter l'être humain de sa naissance jusqu'à sa mort à travers trois ou quatre paliers auxquels on atteignait successivement après avoir appris des choses morales, religieuses, professionnelles et après avoir subi des épreuves pour démontrer qu'on était assez apte, aguerri à passer d'un stade à un autre. L'islam noir a continuer d'utiliser ces paliers de l'éducation traditionnelle pour enseigner l'islam en acceptant la palabre, le consensus. Et donc, c'est ainsi que nous avons eu des leaders religieux, en particulier un d'entre eux qui a créé une confrérie, celle des Mourides. Le fondateur de cette confrérie s'appelle Amadou Bamba. Ça date du 19e siècle. Il a compris que de s'opposer par les armes aux colonisateurs risquait de mener à un combat inégal. Mais il a armé moralement les Sénégalais en leur inculquant la religion musulmane et en leur disant que le travail est une valeur que doit glorifier le musulman. Et il a prêché le travail, la paix, la concorde, la solidarité. Et l'islam des Mourides, qui est un islam créé, imaginé par les hommes noirs en conformité avec leurs traditions et leur culture, c'est une des illustrations de la manière dont les musulmans africains peuvent s'approprier la religion musulmane tout en gardant leur valeur identitaire. Et cet islam-là que vous nous décrivez, cher Hamidou Khan, il peut s'opposer, faire barrage à cet islam qui vient des pays arabes aujourd'hui ? Je le crois, je l'espère. En tout cas, cet islam, aussi bien celui venu, n'est-ce pas, des pays arabes que l'islam de Boko Haram, n'ont pas prise sur la population. Ce n'est pas par la force de conviction. C'est par la violence brutale avec les armes. Ceux qui sont venus envahir le Mali, ils sont venus là avec des armes de destruction massive pour ce qui est de population là, qui sont venus de l'arsenal libyen après la mort de Kadhafi. Tout le monde est venu se servir dans l'arsenal qu'il avait accumulé, arsenal que lui avaient vendu les Occidentaux et les Russes. Ils sont venus donc avec les armes envahir le Mali, ce n'est pas par des convictions religieuses, au contraire. Ils ont trouvé là un islam au Mali, dans la région du Mali qu'ils ont conquise et envahie. Se trouvait une capitale de l'islam le plus ouvert, le plus éclairé de l'Afrique noire, puisque c'était Tombouctou. C'est là que depuis des générations, depuis des siècles, des Noirs avaient, grâce à la langue arabe, qui est la langue de la religion musulmane, avait écrit des traités de droit, de morale, d'histoire, de pharmacopée, tout un savoir tiré des réalités et des identités africaines et qu'ils avaient transcrites par des livres. Il y a des centaines de milliers de manuscrits écrits en alphabet arabe ou en alphabet ajami, écrits en langue peul ou en langue arabe ou en langue bambara. Et d'ailleurs, parmi les explorateurs arabes qui ont parcouru cette région, il y a un c'est Ibn Battuta, qui a raconté comment, c'était à Tombouctou, il est étonné de voir que l'épouse de cette notabilité était assise à proximité, elle n'était pas voilée du tout, et que des hommes qui passaient de la famille ou même du village venaient saluer cette dame, ils se donnaient la main avec cette dame, etc. Et Ibn Battuta était un peu étonné de cela. Il a fait part de son étonnement à son hôte qui lui a expliqué qu'il n'y a rien vraiment dans la religion qui empêche ça, qui contredit ça. En tout cas, que nous, dans nos traditions africaines, il ne faut pas penser à mal simplement parce qu'un homme et une femme se donnent la main. Donc, Ibn Battuta a bien expliqué son étonnement et son ravissement de voir un peu comment ces musulmans d'une autre race avaient réussi à s'approprier cette religion tout en demeurant, n'est-ce pas, fidèles à leur identité, dans la mesure où cette identité n'était pas en contradiction avec les dogmes fondamentaux de l'islam. Cher Amilou Kane, on va s'arrêter un moment et écouter un de vos compatriotes, compatriote aussi en politique et en chanson, Salif Keïta. Fono ete nyinika, fono ete nyinika, fono atumbe ketene, fono koko tumbe ke, fono mogo makote. Grand entretien, nous recevons cher Amidou Kane, monsieur Kane, d'origine sénégalaise, mais qui nous disait, vous nous disiez, monsieur Kane, en début d'émission, que votre nom, eh bien, nous indiquait que vous étiez à la fois noir, peul et musulman. Vous avez écrit deux livres qui vous ont rendu célèbre, l'aventure ambiguë que vous avez écrit sous forme d'un journal d'abord dans les années 50 et qui est apparu en 1960, 61, juste après l'indépendance l'indépendance du Sénégal. Et puis, 30 ans plus tard, vous avez publié Les Gardiens du Temple. Vous évoquiez l'histoire africaine, vous nous faisiez remonter à une époque qu'on oublie souvent, celle de l'arrivée de l'islam, l'arrivée des musulmans arabes en Afrique, qui ont introduit l'écriture. Ce n'ont pas les Français qui ont introduit l'écriture en Afrique noire, ce sont les Arabes. Vous évoquez cette histoire, cette vaste histoire, l'époque des royaumes en Afrique. Et dans l'aventure ambiguë, un de vos personnages parle du matin des clameurs. Le matin des clameurs, j'imagine que c'est l'arrivée des Occidentaux, des Français, des colons en Afrique. Et qu'il s'agit là de la rencontre entre ceux qui n'avaient point d'histoire et ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. Alors évidemment, je rappelle que vous avez écrit ça dans les années 50. Ceux qui n'avaient point d'histoire, cela rappelle une phrase fortement controversée de Nicolas Sarkozy à Dakar précisément. Alors qu'est-ce qui vous a passé par la tête, cher Aminou Khan ? Expliquez-nous pourquoi vous parlez de votre peuple comme d'un peuple qui n'a point d'histoire. Je crois que j'ai repris une phrase de Rudyard Kipling. Du fardeau du monde que supporte l'homme blanc. Et j'ai voulu un peu caractériser la manière dont le colon, l'envahisseur blanc, pour se donner bonne conscience et exploiter sans remords les hommes noirs qu'il avait commencé par réduire en esclavage, déporter à son service, pour aller cultiver dans les plantations américaines, pour se donner bonne conscience d'avoir maltraité cet homme-là, il lui fallait mettre en place une idéologie de la négation pour pouvoir le malmener comme il l'a fait. Déshumaniser l'autre, c'est une vieille technique. Tout à fait. Pour pouvoir le malmener, le prendre, l'utiliser comme esclave, comme une bête, il fallait nier son humanité. Et c'est cela que l'homme blanc, colonisateur, avait fait. Et c'est ce que j'exprime un peu en disant que ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. D'où la réaction très forte à Dakar de ceux qui ont entendu Nicolas Sarkozy dire ça. Tout à fait. D'autant plus que je ne sais pas qui a écrit ce discours de Nicolas Sarkozy. On dit Henri Guénaud. Hein. Mais il me semble qu'il était en retard, parce que même le philosophe français qui avait commencé à théoriser la race primitive, etc., il avait fini par dire, avant son décès, il avait fini par revenir sur ses préjugés. Je ne comprends pas que bien des, peut-être une génération après, il se soit trouvé des Occidentaux et des Français en particulier pour embrayer sur cette idéologie de la mentalité primitive, de l'homme qui est sans histoire. Même le philosophe qui avait commencé à théoriser cela avant de mourir avait dit non, qu'il s'était trompé là-dessus et que, etc. Voilà. Par conséquent. Donc on renvoie M. Sarkozy et M. Guénaud à leur livre d'histoire, c'est ça ? Tout à fait. Véritablement, c'est bien ça. Surtout que depuis lors, ils ont bien vu que les gens originaires d'Afrique noire, qui ont été inculqués de la culture occidentale, qui ont connu l'Occident, ils ont bien montré leur capacité, leur talent. Avant l'apparition des gens comme les Senghor, les Césaire, les Cheikh Anta Diop, les Amadou Hampateba, puisqu'on n'avait pas eu de gens qui écrivent en français pour expliquer l'identité africaine, on aurait pu, avant d'avoir eu ces grands témoins de l'Afrique, penser en effet que l'Afrique n'a pas de pensée, n'a pas de religion, etc. Mais après l'apparition des gens comme les Amadou Hampateba, Cheikh Anta Diop, Senghor, en être encore revenu, surtout dans cette université Cheikh Anta Diop de Dakar, à dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, moi, cela m'a... Je n'ai pas été scandalisé, mais j'ai été un peu étonné de l'inculture que cela révélait de la part de ceux qui ont dit ça. Et je n'ai pas compris que le président Abdoulaye Wade, président du Sénégal, qui avait accueilli Sarkozy, n'ait pas apporté la réponse qu'il fallait. Il a laissé les universitaires, les intellectuels écrire des livres et protester. Mais lui, il aurait dû, en tant qu'homme politique, en tant que cadre africain intellectuel, dire son opinion sur cette déclaration de Sarkozy. Vous me donnez, cher Hamidou Kane, un pont magnifique. On parle en filigrane, bien sûr, des responsabilités, de la violence de la colonisation, de ce que la colonisation, ou plutôt de ce que les Occidentaux ont aussi eu à proposer à l'Afrique noire, leurs penseurs, disiez-vous, leurs intellectuels, leurs philosophes. Responsabilité, quelle est, à votre avis, celle, vous qui avez été non seulement un écrivain, mais un homme politique, et je dirais même surtout un homme politique, puisque vous avez passé plus de temps à faire de la politique qu'à écrire, je crois. Quelle est la responsabilité des dirigeants? Alors, c'est une grande question, évidemment, parce que l'Afrique noire, c'est vaste, et c'est beaucoup de pays. Combien de pays, d'ailleurs, hein? Vous le savez, combien de pays en Afrique noire au total? Combien de pays? Oui. C'est une question qui se pose parce que on était, je crois, 54. Depuis quelque temps, le processus de saucissionnement se poursuit. Maintenant, on est 55, je crois, avec la partition qui se dessine au Soudan du Sud, etc. Voilà. Donc une géographie en évolution, mais je reviens à ma question, la question de la gouvernance en Afrique noire. Quel est votre regard, à vous, ancien homme politique aujourd'hui, et pas du tout retiré de la vie de votre pays et du continent? Oui. Je voudrais bien un peu clarifier mon engagement en politique. Je ne suis pas toujours très satisfait d'entendre que je suis politicien. En fait, vous avez quand même été ministre sous Senghor. Effectivement, hein. J'ai été ministre. J'ai été un haut fonctionnaire sénégalais et international, puisque j'ai travaillé pour les Nations Unies et pour l'UNICEF pendant une dizaine d'années. J'ai été un fonctionnaire qui a travaillé pour le gouvernement du Canada pendant 2 ans. Et donc, vous êtes en train de me dire, excusez-moi de vous interrompre, cher Hamidou Kane, c'est que, en fait, vous n'aimez pas trop qu'on dise de vous que vous êtes un politicien, oui, mais vous êtes un serviteur de l'État dans le magnifique sens du terme. Tout à fait, tout à fait. Un serviteur de l'État, un serviteur des sociétés humaines et africaines en particulier, que j'essaye d'aider pour s'engager plus résolument dans les bienfaits que peut procurer le monde moderne, sur le plan matériel, sur le plan de la santé, de l'éducation, de la production agricole. Je crois que le monde a accumulé un tel savoir, une telle richesse, qu'il est inadmissible qu'il y ait des parties du monde qui soient pauvres. Et donc, depuis que j'ai fini mes études vers les années 58-59, je suis revenu aussitôt en Afrique où la colonisation prenait fin et où il fallait édifier un nouveau système. Et j'ai donc en effet pris part avec Mamadou Dia, qui était le premier président du Conseil du Sénégal, et Senghor, et des équipes d'Occidentaux différents des colons que nous avions là. Parce que nous avions fait venir des économistes. Nous avons fait venir, vers les années 58, 59, 60, des Français ouverts sur le monde, anticolonialistes, mais pas de la façon des révolutionnaires marxistes, mais anticolonialistes, et qui étaient aussi pour un humanisme. Nous avons commencé à travailler pour changer, préparer le Sénégal et l'Afrique à une gouvernance post-coloniale. C'est donc ça que nous avons fait. Les gardiens du temple que j'ai écrits décrivent un peu quelques-unes des ambitions qu'on pouvait nourrir de ce que pourrait être la gouvernance des Africains sur eux-mêmes et sur leur peuple. Mais ils décrivent aussi quelques-unes des déceptions de cette arrivée au pouvoir, derrière le colonisateur, de cette arrivée au pouvoir des Africains. Au fond, malheureusement, souvent, les dirigeants africains n'ont fait que copié, finalement, la manière de faire des colonisateurs. Ils n'ont pas pris le meilleur, c'est ce que vous dites. Ils n'ont pas pris le meilleur. Bon, ils ont fait des progrès. On ne peut pas nier qu'ils aient fait des progrès. Par exemple, au Sénégal, au moment où, à la fin de la colonisation française, le taux de scolarisation était de 13%. Aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, il est peut-être, je ne sais pas, de 80-90%. On ne peut pas donc dire que rien n'a été fait. C'est comme ça partout. Parce que au moment, à la fin de la colonisation, vraiment, le bilan n'était pas formidable. Ce bilan, il a été amélioré, mais pas suffisamment encore. On s'est installé dans les habitudes, dans les pratiques de l'ancien colonisateur, et on a imité, après avoir imité les partis politiques, les idéologies des partis politiques du Nord, sans bien réfléchir sur ce que pourrait être une idéologie inspirée par la culture africaine traditionnelle, comme nous en avions rêvé, parce que quand j'étais étudiant, et avec un certain nombre d'autres étudiants catholiques et musulmans en France, nous avions rêvé, imaginé de faire des partis politiques. Et ça, c'était sous la direction et l'impulsion de Joseph Kizerbo, éminent africain. C'est lui qui parlait de cette triple dépossession qu'a subie l'Afrique. Tout à fait. Joseph Kizerbo a réuni autour de lui d'abord des étudiants catholiques auxquels sont venus s'ajouter des étudiants musulmans, dont moi-même, et d'autres musulmans sénégalais, pour engager les étudiants et les cadres en formation dans le champ politique, mais le faire pas comme les étudiants africains qui avaient adhéré à l'idéologie communiste, marxiste, qui étaient tous représentés dans ce qu'on appelait le Parti africain de l'indépendance. Nous ne nous sentions pas confortables dans un parti marxiste, à la mesure où nous semblait que c'était en contradiction avec nos convictions religieuses. Et Joseph Kizerbo nous avait donc montré qu'on pouvait être musulman, chrétien, et avoir une activité politique. Et nous avions imaginé de créer un parti qui s'appelait le Mouvement de Libération Nationale, dont les mots d'ordre étaient indépendance. Ça, c'était un mot d'ordre que revendiquaient tous les étudiants marxistes, etc., tous les étudiants colonisés. Le premier mot d'ordre de leur parti politique, c'était l'indépendance. Il fallait acquérir l'indépendance. Deuxième mot d'ordre, socialisme africain. Nous disions que nous n'avions pas de raison que nous y mettions le socialisme matérialiste marxiste tel qu'il s'était notamment, incarné, quelquefois discrédité en Union soviétique. Nous pouvions être socialistes en nous inspirant justement de la tradition communautariste des cultures africaines. Et donc, il fallait réfléchir de la même manière que j'ai dit qu'au Sénégal, on a essayé d'avoir un islam respectueux de l'orthodoxie musulmane, mais en utilisant aussi les valeurs de la tradition africaine qui sont compatibles avec l'islam. De la même manière, nous pensions qu'il était possible de mettre en place, en œuvre, une politique qui s'inspirerait de la tradition africaine de solidarité, de partage, et moderniser cela, plutôt que d'imiter les socialismes matérialistes ou démocrates chrétiens. Nous pouvions avoir un socialisme africain, etc. Voilà. Et troisième mot d'ordre, les États-Unis d'Afrique. Donc, premièrement, indépendance. Deuxièmement, socialisme africain. Troisièmement, États-Unis d'Afrique. Eh bien, sur ces trois mots d'ordre, je trouve que les élites dirigeantes africaines actuelles n'ont pas fait les progrès que nous aurions pu espérer, que nous aurions pu imaginer au moment où nous étions étudiants et où nous parlions du mouvement de libération nationale. L'indépendance, elle n'est pas tellement réelle. Elle n'est pas tellement réelle. Qu'est-ce que c'est qu'une indépendance dans le cadre de laquelle on n'a pas une armée capable de défendre le territoire. Vous pensez au Mali, par exemple? Par exemple, au Mali. Et à l'intervention française? On a dû recourir aux Français. L'armée malienne n'existait plus. On a fait venir, soi-disant, les armées de la CEDEAO. Communauté économique africaine. Des milliers d'hommes, mais qui n'ont pas la discipline, pas l'armement, les équipements nécessaires, etc. Et j'ai un de mes cousins qui a fait un article à l'occasion justement de ces événements du Mali, qui a dit que nos armées africaines compte plus de généraux que de munitions. Ça, ça décrit bien la situation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une indépendance où l'armée n'est pas à mesure de remplir les fonctions classiques de l'armée, de défendre l'intégrité territoriale, de protéger les institutions de la République à l'intérieur de ce territoire, etc. Donc, voilà. Donc, indépendance non aboutie de ce point de vue-là. Et c'est beaucoup de points de vue, c'est comme ça. Cette indépendance, elle n'a pas abouti. Et socialisme à l'africaine? Socialisme à l'africaine non plus, ça n'existe pas, quasiment. On s'est détourné de cela. Bon, les partis politiques au Sénégal, nous avons un pays qui a aujourd'hui plus de 200 partis politiques, imaginez-vous, pour un pays de 12 à 13 millions d'habitants, qui se réclament de l'idéologie socialiste démocratique ou de l'idéologie libérale. Ça, au Sénégal, indépendamment de ces deux idéologies empruntées à l'Occident et que nous imitons, sans les faire progresser dans la réflexion idéologique pour les adapter à nos réalités, les autres partis, les deux autres centaines de partis qui existent sont des partis qui sont là pour juste conquérir le pouvoir, s'y installer. Hein? Alors, donc, l'indépendance n'est pas aboutie. Le socialisme, bon, l'idéologie pour les partis politiques du socialisme africain, ça n'a pas évolué. Au Sénégal, on y avait réfléchi. Senghor y avait réfléchi. En Tanzanie, Julius Nyerere avait aussi réfléchi à ce socialisme africain. Mais depuis, on a lâché tout ça. La réflexion ne progresse pas pour mettre en place une idéologie politique moderne pour diriger l'avancement de l'Afrique. Troisièmement, les États-Unis d'Afrique. Eh bien, on est loin du compte encore. Vous avez tout à l'heure cité Joseph Kizerbo qui disait que l'Afrique a été victime de trois dépossessions. La troisième de ces dépossessions, c'est celle de l'espace. Aujourd'hui, à part le nom Afrique, qui désigne historiquement le continent que nous habitons, les 54 ou 55 pays qui sont réunis dans ce qu'on appelle l'Union africaine, ne correspondent à aucun espace géopolitique historique de l'Afrique. Ce qu'il y a là, c'est 54 ou 55 anciennes créations de l'Europe. Que l'Europe s'était découpée. Joseph Kizerbo parle de dépeçage. On dirait que lorsque l'impérialiste européen, les colons, ont été à la chasse et qu'ils ont abattu cette bête qu'est l'Afrique, ils l'ont dépecée. Eh bien, ce qui existe aujourd'hui, c'est 55 anciennes possessions européennes, dont les langues officielles sont des langues officielles européennes. Il y a des langues nationales, mais les langues officielles sont des langues encore européennes. Et les langues nationales, dans beaucoup de pays d'Afrique, n'ont pas été transcrites, codifiées, modernisées, enseignées. C'est les langues étrangères qui sont enseignées, les langues nationales officielles étrangères qui sont enseignées. Et le contenu de ce qui est enseigné dans les écoles et dans les universités de ce pays-là, c'est encore malheureusement, majoritairement, le contenu des programmes de l'école européenne. Je me rappelais que quand j'étais au cours moyen deuxième année, au moment de passer le certificat d'études à l'école primaire coloniale, je savais par cœur le nom des 90 départements que composait la France à l'époque avec le nom de leur capitale. J'ignorais tout de la géographie du Sénégal, à plus forte raison de la géographie de l'Afrique. La même chose pour ce qui concerne l'histoire. Je connaissais l'histoire du France, je ne connaissais rien l'histoire du Sénégal et l'histoire de l'Afrique. Cette situation doit changer. Il est vrai que des hommes, parmi ceux qu'on a appelés les aînés du XXe siècle africain, les Joseph Kizerbo, les Amadou Mokhtar Mbou, etc., ont rédigé une histoire générale de l'Afrique aujourd'hui. Donc, on peut enseigner dans les écoles africaines l'histoire de l'Afrique et pas enseigner l'histoire du colon, l'histoire de l'Afrique vue par le colon, qui commençait par nier l'existence d'ailleurs d'une histoire pour l'Afrique. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de l'histoire qu'il faut faire ce travail, c'est dans tous les domaines. Nos facultés de droit doivent continuer d'enseigner le droit d'inspiration occidentale, européenne, droit napoléonien, code justinien avant ça, etc., etc. Mais il faut enseigner, il faut que les juristes, les hommes de science, tournent leur outil de savoir dans l'étude de ce qu'a été le droit traditionnel africain, tel qu'il est reflété en particulier par la charte du Mandé, qui date du XIIIe siècle. Ce serait l'équivalent de la Magna Carta. L'équivalent est le contemporain de cette Magna Carta. C'est cette constitution dont l'empereur Sundiata Keïta, après avoir donné là un exemple dont nous souhaitons beaucoup que les leaders des 55 pays d'Afrique s'inspirent, Sundiata Keïta, après avoir fait tout ce qu'il fallait pour réunir les 12 pays qui se combattaient, pour en faire un empire, l'empire du Mali, a décidé d'utiliser, de doter ces 12 pays, cet empire, d'une constitution. Laquelle constitution codifiée depuis les traditions, depuis l'empire du Ghana jusqu'à ce moment-là, les traditions des pays africains, quelle devait être la place de l'individu dans la société? Quels devaient être les rapports entre le souverain, le gouvernant et les gouvernés? Quel devait être le rapport entre les générations? Quel devait être le rapport entre les ethnies différentes? Quels devaient être les rapports entre les clans et les familles? Tout ceci a été codifié. Sundiata n'a rien inventé, il n'a fait que donner force de loi à des traditions qui existaient, qui s'étaient forgées depuis des millénaires. Il en a sorti cette charte du Mandé qui légifère sur la place de l'individu dans la société, sur les devoirs vis-à-vis des relations dans la nature, la préservation de l'environnement, etc., etc. Eh bien, tout ceci, ça ne se reflète pas dans nos constitutions actuelles, modernes et contemporaines. Si vous deviez aujourd'hui, peut-être à vous le faire, écrire un roman, cher ami Boucane, un troisième roman, l'écririez-vous en peul? Non, malheureusement. En poulard, je crois qu'on dit d'ailleurs. Voilà. Je parle très bien cette langue. Malheureusement, je ne sais pas l'écrire parce que je ne l'ai pas appris l'écriture peul. D'ailleurs, je n'aurais pas pu écrire en peul. J'aurais peut-être pu parler un roman en poulard. Bon, vous êtes un griot. On va terminer comme ça. Serviteur de l'État, écrivain et griot. Merci, cher ami Loucane. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Nous écoutions Cheikh Amidou Kane, écrivain sénégalais et ancien ministre de Léopold Sédar Senghor, un entretien enregistré lors du Salon du Livre de Genève. C'était en mai dernier. Cheikh Amidou Kane est l'auteur de deux romans, Les Gardiens du Temple, paru en 1995, et L'Aventure Ambiguë, publié en 1961 chez Julliard, un livre que l'on trouve aujourd'hui en poche et qui demeure un classique de la littérature et de la pensée africaine, classique au programme dans les universités. Et nous terminons cette émission avec toujours Salif Keïta. Salif Keïta qui s'était présenté aux élections présidentielles, mais sa candidature n'avait pas été validée. Donc Keïta, chanteur d'abord. Le grand entretien s'achève. Il vous était proposé par Annick Chuin avec Gérald Yestan à la réalisation et Nicole Corpato est notre assistante de production. Vendredi prochain, Laurence Di Félix recevra la sinologue Danielle Elisaïev qui évoquera le destin étonnant du dernier empereur de Chine qui épouse un large pan de l'histoire du pays au XXe siècle. Merci de nous être fidèles. Vous écoutez Espace 2, il est 20h. JA2Z+1, c'est l'heure de et du jazz. C'est à 22h40 tous les soirs sur Espace 2. Maintenant, en revanche, c'est l'heure de vous donner envie de vous brancher tout à l'heure et de déguster et découvrir le trio Inner Language de Christoph Stiefel. Pianiste zurichois, né en 1961 du côté de Zurich, il a mené sa bosse du côté d'une foule de projets musicaux très très divers et très différents les uns des autres. Il y a eu bien sûr Andreas Vollenweider avec lequel il joue encore de temps à autre. Il y a eu des groupes de funk, il y a eu des groupes de jazz rock. Désormais, il conduit, dirige ce trio Inner Language en compagnie d'Arne Huber à la basse et de Kevin Chesham à la batterie. Et il avait donné, dans le cadre du Festival de Jazz de QI, un concert lumineux, extrêmement intelligent, mélodique et alors d'une mise en place rythmique très impressionnante. À déguster à partir de 22h40 dans Jazz tout à l'heure. Inner Language Trio, la formation de Christoph Stiefel, ce sera à partir de 22h40 dans Jazz sur Espace 2 que vous écoutez déjà et vous avez bien raison, il est 20h, bon début de soirée à vous. Du 18 juillet au 3 août, le Verbier Festival. Point fort de l'affiche 2014, 4 grandes soirées lyriques.